franceinter.fr. Fabrice Drouet, l'affaire sensible et les radios libres, c'est maintenant sur France Inter. Oui, une histoire dont nous sommes, on peut le dire, les héritiers, quelque part. Enfin, vous êtes un acteur et moi, je suis une héritière. De la liberté. Bien. Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, nous vous proposons donc de réécouter l'histoire des radios libres, quand des inconnus brisèrent les chaînes de radio et surtout le monopole des ondes. C'est un temps que les moins de 30 ans n'ont pas connu. C'était avant 1981, un temps où la bande FM était un continent quasi vierge. S'aventurer sur ces zones interdites était un délit puni par la loi. C'était le temps des radios d'État ou périphériques, dès lors que leurs émetteurs étaient installés de l'autre côté de nos frontières à quelques encablures, mais de l'autre côté. Hors de cet espace, point de salut. C'était une époque, c'était hier, où les sphères du pouvoir politique se prenaient pour les rédacteurs en chef de nos informations quotidiennes. Mais quand les règles ne correspondent plus aux aspirations de la société, elles ont vocation à être contournées. On appelle ça la liberté. Ainsi, de 1977 à 1981, des amateurs, baroudeurs de la FM, un peu fantasques et utopistes, se sont lancés dans la révolte contre le monopole. Ils ont émis, ils ont diffusé des idées, ils ont ouvert l'espace à des cultures interdites, censurées. C'est la raison pour laquelle on parlait de radio libre. Les archives que nous allons diffuser aujourd'hui en constituent un témoignage saisissant, exhalant un doux parfum de nostalgie aux arômes de liberté, d'audace et d'espièglerie, une période qui dura 4 ans. Pour en parler, après le récit, nous recevrons Christophe Bourseiller, acteur, journaliste, collectionneur, écrivain. Il a lancé en 1981 sa propre radio libre nommée Fréquence Art et Spectacle. Il est enfin l'auteur d'une histoire sonore de la FM, les disques des radios libres. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, lecture Philippe Pirard, réalisation Coyenne Guyenne, Jérôme Chélius et Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry. Fabrice Drouet, Affaires sensibles, sur France Inter. Tant d'idées lancées sur des ondes merveilleuses. À la radio, fallait-il une maison ? Maison. 15 décembre 1963, Quai de Passy, quartier ouest de Paris, Charles de Gaulle inaugure la Maison Ronde. Voilà plus de 10 ans que l'État a acheté ce terrain pour y rassembler le mécano de la radio-télédiffusion française. Un vieux rêve auquel tous les États se sont attelés à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Quand le temps était aux armes, la radio était une arme. À Londres et à Paris, elle est devenue un compagnon de nos années noires, un reflet de nos espoirs aussi. Certains écoutaient Henriot, d'autres se rassemblaient pour entendre Londres et les voix de Jacques Duchesne, Jean Auberlet, Pierre Dac, jusqu'au jour où les mêmes ondes se sont mises à crachoter les mots magiques. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur, vous connaissez la suite. En temps de guerre ou de paix, la radiodiffusion est un art et une force dont chaque pouvoir souhaite prendre le contrôle. Et pour ceux qui nous dirigent, en France, à l'époque, c'est la maison de la radio qui en est le symbole. Dès son inauguration, le ministre de l'Information, Alain Peyrefitte, se lance dans une refonte totale de l'antenne pour concurrencer l'audience toujours plus forte des radios périphériques. Les ondes sont alors une affaire dont l'État a le monopole. Pourtant, partout en Europe, le monopole des ondes est contesté. C'est d'un bateau, le MV Miamigo, en dehors des eaux britanniques, qu'on sonne la charge. C'est ici que sont émis les mots et les sons de Radio Caroline, l'une des plus célèbres radios pirates offshore. Dans les cales, des milliers de vinyles et des hommes torse nus, cigarettes à la bouche, genre Talou Coco. En 1966, ces pirates d'un nouveau genre répondent aux journalistes de l'émission Zoom. Qu'est-ce que vous pensez du terme radio pirate ? Pour nous, ça n'existe plus, nous sommes Radio Offshore Station. Parce que pirate, c'est une très mauvaise image. Nous sommes des gens respectables, nous avons notre petit business et ça marche très bien. We give music. Voilà, nous donnons quelque chose aux gens. Nous sommes le genre Robin Hood. Vous n'êtes pas du tout des aventuriers. Oh non, je crois pas. We're not adventurers, are we? No, just junkies. sont que des pauvres petits disturbés. Deux ans plus tard, en mai 1968, deux Frances se font face. L'une écoute France Inter, la voix de son maître. L'autre, Europe numéro 1, la radio moderne. De l'époque, qui, micro à la main, offre une tribune aux insurgés du quartier latin. Pas forcément pour les soutenir ouvertement, un peu quand même. Malgré un retour à l'ordre en juin avec l'expulsion de nombreux journalistes de l'ORTF, dont Roger Louis et Marcel Trias, le général de Gaulle quitte le pouvoir en 1969. Son ancien Premier ministre, Georges Pompidou, prend la suite et desserre légèrement le corset de l'information. C'est tout de même ce président-là qui disait « La télé, c'est la voix de la France ». On peut en conclure qu'il pensait la même chose pour la radio publique. Puis, le 3 juillet 1974, sous Valéry Giscard d'Estaing, le couperet tombe, l'ORTF est démantelé. TF1, Antenne 2, FR3 et Radio France deviennent des sociétés de programmes et d'informations. TDF s'occupe de la technique, la SFP de la production et l'INA se charge de l'archivage, de la formation et de la recherche. Sur les ondes, le monopole reste la règle et les radios périphériques conservent leurs émetteurs à l'étranger. Dans les pays voisins, on signale ici et là de nouvelles initiatives de bricoleurs des ondes en quête de liberté de parole. En Italie, par exemple, sur les toits de Rome, on voit s'ériger des antennes par dizaines pour des radios privées pirates qui oscillent entre musique et messages politiques. Le pouvoir laisse faire, puis rappelle la loi dans certaines circonstances, comme lorsqu'en 1977, des carabiniers pénètrent dans les locaux de Radio Alice à Bologne à la suite d'affrontements dans la ville dont la radio, précisément, s'était fait l'écho. En France, rien ne bouge, ou presque. Si le RTF n'existe plus, à la télévision ou sur les ondes de Radio France, le pouvoir refuse de quitter les lieux. Alors, quand s'ouvrira la brèche? Quand les ondes seront-elles à portée de tous? Élection municipale, c'est dans un peu moins de 4 heures maintenant, à minuit, que seront clos les dépôts de candidature dans les villes de plus de 30 000 habitants. 20h, 20 mars 1977, soirée électorale, Cognac G. Les résultats du second tour des municipales tombent. L'Union de la gauche remporte une victoire franche et presque massive. Seul point noir de cette soirée en rose, la mairie de Paris où trône désormais dans le plus grand bureau de la République l'ancien Premier ministre démissionnaire, Jacques Chirac. Sur le plateau de TF1, lors de la traditionnelle grand-messe des soirées électorales, les cadors habituels réagissent aux résultats. On découvre toutefois une nouvelle tête. Un jeune homme au look bon chic bon genre qui se place à côté de Georges Marchais, l'un des acteurs les plus truculents du théâtre de la politique. Il s'appelle Brice Lalonde. Il est le leader de la liste Paris écologique et a dépassé au premier tour la barre symbolique des 10%. Depuis son arrivée dans les locaux de la première chaîne, le nouveau venu intrigue. D'abord parce qu'il est nouveau et qu'il refuse de lâcher son transistor. Étrange, il va jusqu'à l'apporter avec lui sur le plateau. Mais que veut-il faire avec cet appareil? Après une considération générale sur les résultats, Patrice Duhamel lui pose la question. Vous parliez de votre transistor, là. Oui, je parlais de mon transistor parce que c'était un exemple également de ce qui nous sépare peut-être de la gauche. C'est que nous avons lancé des radios de quartier, par exemple, et en ce moment même, dans le 7e arrondissement, cette radio verte émet. Alors, c'est un exemple, si vous voulez, de ce que nous allons faire. Nous allons réellement, dès maintenant, essayer de faire en sorte que les Français puissent se communiquer directement entre eux sans être obligés de passer par cette incroyable société collectiviste qui est marquée par le monopole de la radio-télévision de l'information en France. C'est un exemple extrêmement précis. Donc, si vous voulez, j'ai amené cette radio simplement pour montrer que les Français, les Parisiens... Quelle est la longueur d'onde pour que nous puissions l'écouter? 101 MHz, modulation de fréquence, voilà la radio verte. Très bien. Elle émet. Radio verte émet. C'est du moins ce que laisse imaginer le candidat écologique. Derrière nos écrans de télévision, en fait, on ne voit que l'image d'un homme avec un transistor. Bon, enfin, s'il le dit, ça doit être vrai. Georges Marchais, assis à sa droite, semble interloqué par les sons qui sortent de ce poste de radio. Ce que le secrétaire général du Parti communiste ne sait pas, c'est qu'il s'agit en réalité d'un magnifique coup de communication pour tous les bidouilleurs du son. Dans le public, ce soir-là, se trouve un certain Antoine Lefébure. Son nom ne vous dit rien, peut-être. Pourtant, il est l'un des pionniers de la liberté des ondes. Doctorant en histoire à la Sorbonne, il est le fondateur de la revue Interférence, qui rassemble passionnés de la technique et critiques radiophoniques. C'est lui qui se rapproche du candidat écologique pour imaginer avec lui cette expérience de piraterie des ondes françaises. Assis dans le public, le sourire aux lèvres, Antoine de Fébure a enclenché un petit émetteur caché dans sa poche, lié à un magnéto où tourne l'enregistrement d'une émission. L'illusion est parfaite. Tous pensent, derrière l'écran et sur le plateau, qu'une émission pirate est en cours de diffusion. La radio libre naît ce jour-là, sans son, juste par l'image. La radio, par l'image. Quel efficace paradoxe. Il faut attendre quelques semaines pour entendre la première véritable émission pirate de Radio Verte. « 13 mai 1977. En fin d'après-midi, Antoine de Fébure et ses acolytes arrivent place des Vosges. Ils montent un escalier, puis sonnent à une porte. C'est Jean Edernalier qui leur ouvre. Ami de Le Fébure et toujours prompt à faire parler de lui, l'écrivain accepte de prêter son appartement pour lancer la première diffusion de Radio Verte. Les présentations étant faites, chacun s'attelle à la tâche. Sur la table à manger, Sylvain Nikini et Jean-Luc Sendowski procèdent aux dernières modifications du matériel. L'émission est déjà en boîte. Elle a été enregistrée puis montée, il y a quelques jours, dans les locaux de Radio France, grâce à la complicité de deux réalisateurs de France Culture, Jean-Marc Fonbonne et Andrew Orr, et du technicien Michel Grace. L'heure approche. Jean Edernalier accueille les derniers invités, des journalistes mis dans la confidence, ainsi que Patrick Frillet, photographe à FIPA Presse, qui se charge d'immortaliser le moment. Par mesure de sécurité, on poste deux guetteurs, l'un au balcon, l'autre devant l'immeuble. L'heure tant attendue arrive. 19h. Antoine de Fébure allume l'émetteur et lance le magnétoscope. Un jingle retentit. Radio Verte vit et brise le monopole. On reconnaît les premières notes de la 5e symphonie de Beethoven, clin d'œil à l'émission « Les Français parlent aux Français des résistants de Londres ». Puis, une voix féminine reste le portrait de cette nouvelle radio qui vient de naître. Réflexion faite, 19h, 19h30. Radio Verte, radio de quartier, 89 MHz. Radio Verte, émission manifeste. Radio Verte, radio pirate, quelle fréquence, quelle longueur. Diffuser quand et où, pour qui, pourquoi, pour dire autre chose. Radio de quartier, radio brouillée, radio interdite, radio écologique, radio d'auditeurs, en voie de bande. Brice Lalonde, Antoine Lefébure, puis Pierre Viançon-Ponté du journal Le Monde, on ne se refuse rien. Prennent la parole, l'un après l'autre. Leurs entretiens sont entremêlés de reportages, de lectures et de créations radiophoniques en tout genre. Des radiolibristes s'aventurent sur des territoires interdits. Radio Verte, 89 MHz, 18h, 18h30. J'ai vaguement entendu parler de Radio Verte avec les écologistes. Bon, je ne suis pas, j'ai pas écouté plus, voyez-vous. Bah, je pense qu'au point de vue accueilli par le public, elle sera bien accueillie. Ça m'étonnerait qu'elle soit vraiment mal. Par les pouvoirs publics, alors là, c'est tout à fait différent. Je ne peux pas me prononcer pour eux. Hein. Dans ce domaine, il est important de maintenir le pluralisme, et il faut le faire en maintenant des situations de concurrence et donc en luttant contre les ententes ou les situations de monopole. Oh là là, les écologistes et puis le reste alors, je m'en fous. Vous pouvez toujours mettre le micro, je m'en fous. Hop là, ça vous suffit là, hein? Ouais, c'est un peu léger, mais enfin. Oui, il y a Chirac qui a planté un arbre dans mon quartier, alors ça me suffit. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Si, si, la radio qui fera le poison, là, qui va faire du... comme les radios pirates, là, non? C'est pas ça que vous allez faire? La diffusion se déroule sans accroc ni brouillage. Mais une nouvelle police naît, la police des ondes. Elle ne découvre cette émission que le soir, en écoutant le journal d'Antenne 2. Toujours prêt à braver l'interdit dans le vacarme, les pionniers des radios libres ont proposé à Jean-Pierre Elkabbach, directeur de l'information, un reportage exclusif sur cette expérience française. Et à 20h, des millions de téléspectateurs, les yeux et les oreilles grandes ouvertes, découvrent eux aussi pendant quelques secondes cette émission en forme de manifeste. Puis on met un visage sur les voix. Ce sont des jeunes gens, cheveux mi-longs, curieux, inventifs, un peu insouciants, qui expliquent sans l'ombre d'une peur les moyens d'émettre facilement au sein de nos quartiers. Le lendemain, Radio Verte fait la une de tous les quotidiens. Brice Lalonde, comme Antoine Lefébure, explique l'intérêt de cette nouvelle radio et demande l'ouverture des ondes ainsi que la fin du monopole. Dans les couloirs du pouvoir, ce vent de liberté n'est pas du goût de tout le monde. Le 16 mai, Jean Autain, illustre inconnu, président-directeur général de TDF, télédiffusion française, fait la tournée médiatique sur les plateaux vedettes du monopole. À 13h sur France Inter, puis à 20h sur le plateau d'Antenne 2, où Patrick Lecoq l'interroge. Il en profite pour rappeler la loi et il joue la carte de la peur et des soi-disant risques qu'engendrent les diffusions sauvages. Il y a quelque chose de grave, c'est la possibilité pour certains de s'emparer des fréquences qui ne leur appartiennent pas. Monsieur, il n'y a pas longtemps, avant-hier, un avion n'a pas pu se poser dans un aéroport qui n'est pas en France, heureusement. En Italie. Mais monsieur, je ne sais pas. Non, non, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Pour le préciser pour les téléspectateurs. Bon. Parce qu'il n'a pas pu entrer en contact avec la tour de contrôle. Demain, vous voulez appeler par la radio une ambulance, vous ne pouvez pas l'obtenir parce qu'à ce moment-là, quelqu'un s'est emparé de la fréquence. Et c'est extrêmement grave. C'est là où la liberté de tout le monde est en cause. Et où nous devons, les uns et les autres, faire en sorte qu'on protège les fréquences. Parce que c'est un bien naturel extrêmement limité. À partir de cette date, toutes les tentatives d'émission de Radio Verte sont brouillées. Le collectif décide alors de faire une trêve avec les brigades des ondes. Durant ces quelques semaines, ces pionniers techniques et leurs compagnons écologistes se séparent, bons amis. Ils furent des alliés de circonstance pour montrer un chemin, mais désormais, chacun prend son indépendance et ses mots d'ordre. Ensemble, ils ont fait germer la graine et partout en France, des amateurs radiophones tentent l'aventure. Le 4 juin, Radio Verte Fessenheim émet une première fois. Puis à Montpellier, en juillet, des Giscardiens s'en canaillent et lancent leur radio. À droite comme à gauche, du côté de l'Atlantique, jusqu'aux terres de l'Est de la France, on rêve en mégahertz cet été-là. En septembre, après une première plainte déposée contre X, une association pour la liberté des ondes voit le jour, histoire d'unir les forces. Dans ses rangs se sert de nouveaux venus, dont d'éminents intellectuels, et notamment Félix Guattari, qui en deviendra la tête de file. Le combat s'organise pendant que la répression, elle, s'intensifie. Après le brouillage, c'est le temps des premières irruptions policières dans les chambres de bonne, caves ou locaux qui servent alors de studios éphémères. En mai 1978, par exemple, dans la librairie Les Deglings, la police détruit le matériel et les efforts de Radio 93. En juin 1978, Jean-Philippe Leca, ministre de la Culture et de la Communication, présente à l'Assemblée nationale un nouveau projet de loi qui comprend un volet répressif contre ces nouveaux délinquants des ondes qui combattent le monopole. Désormais, toute personne qui s'aventure sur les plates-bandes ondulatoires de l'État risque une peine de prison d'un mois à un an ainsi qu'une amende de 10 000 à 100 000 francs. Le désert de la FM perd ses quelques oasis. Les ondes restent un îlot réservé à quelques privilégiés. Alors, les radios libres sont-elles définitivement mortes ? Radio libre, radio pirate, radio non dérogée, vous ne devez pas croiser. Le gouvernement, en les interdisant aux prochaines élections, sera le perdant. Il nous faut des télés et des radios libres que nous pourrons enfin suivre. Radio 11 débrouille, Radio 11 détend, Radio 11 défend. En modulation de fréquence sur 102 MHz. We'll be right back. Décembre 1978, coup de tonnerre dans la sidérurgie. La direction d'Usinor annonce la suppression de plus de 10 000 emplois à Denain, dans le Nord, et à Longwy, en Lorraine. Pour préparer la lutte et informer les habitants des régions concernées, la CFDT lance une radio locale, SOS Emploi, qui émet clandestinement à faible fréquence, le soir, peu avant 19h. Quelques mois plus tard, la CGT embraye le pas et lance sa radio en vue de la prochaine grande manifestation à Paris. Bernard, on peut y aller ? C'est parti. Le 17 mai 1979 à 16h, Lorraine Cœur d'Acier est lancée. Dans les studios situés dans la mairie, on entend le jingle de l'émission. Puis Marcel Tria, un ancien journaliste de l'ORTF et de 5 colonnes à la Une, prend la parole. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. Dans ce combat, tous ne partagent pas toutes les positions de la CGT. Nous souhaitons que Lorraine Cœur d'Acier permette à tous de participer au débat, qu'elle aide à rassembler tous ceux qui veulent lutter pour l'avenir de notre région, qu'ils soient sidérurgistes, travailleurs d'autres professions, commerçants, artisans, enseignants, et quelles que soient leurs convictions personnelles. Cette radio est la radio de l'espoir. Ça ne passe plus là. C'est votre radio. Soutenez-la, participez directement à ses émissions. Écoutez-la et faites-la écouter. C'est bien la CGT qui finance cette radio sous la direction des journalistes Marcel Tria et Jacques Dupont. La parole est libre et ouverte à tous. Il se suffit de se serrer un peu et de rajouter une chaise autour de la table pour participer au débat. Pendant un mois, des habitués du micro, mais surtout des inconnus, hommes, femmes, militants, immigrés, travailleurs, professeurs, chômeurs, appellent, témoignent, interpellent, racontent leur quotidien. LCA, Lorraine Cœur d'Acier, devient un formidable exutoire, la caisse de résonance des cris et des vies des gens de la région de Longwy. On y parle information, mais aussi contraception, exploitation, libération et d'autres mots en yon, pourvu qu'ils traduisent cet immense besoin d'émancipation. À Longwy, par les ondes, une parole se libère. Le pouvoir giscardien, lui, ferait entendre le bruit sourd et strident du brouillage à l'aide d'hélicoptères qui survolent la ville. Le maire communiste, Jules Jean, publie alors un décret qui interdit tout survol de sa municipalité. Pirouette maligne qui ne fonctionne qu'un temps. Le 16 mai, soit un mois après le lancement de LCA, un émetteur de brouillage est installé à proximité de Longwy. Lorraine Cœur d'Acier est désormais difficilement audible. Le maire n'y peut rien. Des auditeurs décident alors de prendre la rue pour réclamer le retour de leur radio. Le combat des ondes passe désormais le cercle des bidouilleurs. Il devient social, populaire, politique et parfois, s'il le faut, violent. France Inter couvre l'événement. Très violents incidents à Longwy, les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont duré pratiquement toute la nuit. Au départ, l'affaire du brouillage de la radio pirate CGT, Lorraine Cœur d'Acier, seulement l'étincelle a mis le feu aux poudres. À l'arrivée, donc, plusieurs blessés, dont un journaliste de l'agence France Presse. Au micro de notre envoyé spécial, Alain Monard, le témoignage d'un des manifestants. Les CRS sont chargés, sans sommation, alors qu'il y avait des femmes et des enfants dans les premiers rangs des manifestants. Dans la ville de Longwy, il y a eu surtout des dégâts qui sont dus aux forces de police et aux CRS. Parce que même à des moments donnés, ils se sont permis de tirer des grenades contre des voitures, contre des vitrines, contre des fenêtres et même contre des journalistes qui faisaient leur métier et qui traversaient la chaussée, c'est-à-dire qu'ils ont tiré presque à bout portant comme des lapins. Après le fracas des casques et des gaz lacrymogènes, le brouillage se poursuit. En juin, les membres de Lorraine Cœur d'Acier trouvent l'astuce en diffusant simultanément l'émission sur des ondes moyennes, ce qui rend presque inefficace les tentatives de brouillage. La radio interdite est toujours là. À la suite du désengagement progressif de la CGT, ce sont les auditeurs qui paient les journalistes et les techniciens de la radio. Ils deviennent donc producteurs de leur propre espace de liberté, un must. Longue vie et Lorraine Cœur d'Acier marquent un tournant que les partis politiques ne peuvent ignorer. D'ailleurs, tiens, s'ils l'exploitaient, eh bien c'est chose faite au mois de juin. Un soutien inattendu et spectaculaire aux radios libres creuse alors une brèche sévère dans le monopole des ondes et dans celui du gouvernement qui jusque-là les contrôlait avec la tranquille assurance de la légitimité de son pouvoir. 29 juin 1979, 12 cité Malesherbes, Paris. Dans l'une des antennes du Parti Socialiste, on s'apprête à prendre l'antenne. C'est l'effervescence. Des dizaines de journalistes du Figaro à Antenne 2 se sont rassemblés à l'étage autour d'un transistor. À 19h, comme des milliers de Parisiens, ils découvrent une nouvelle radio pirate du nom de Radio Riposte. Puis, la voix d'une personnalité qui n'aurait pas totalement inconnue se fait entendre. C'est celle de François Mitterrand. Pour la première fois, le premier secrétaire du Parti Socialiste, second parti de France, s'exprime sur des ondes interdites et accuse la mainmise du pouvoir sur les ondes par le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. La rumeur de l'émission courait depuis la matinée. Si les journalistes sont présents, les inspecteurs de police ne sont naturellement pas très loin. Après quelques minutes d'émission, un brouillage coupe la parole du leader socialiste. Mais ce que les élus du PS n'avaient peut-être pas prévu, c'est l'arrivée d'une cinquantaine de policiers qui bloquent le quartier avec la ferme intention de pénétrer dans l'immeuble. Les élus socialistes présents à l'intérieur, eux, ne lâchent rien et refusent d'ouvrir les portes aux inspecteurs. Alors les portes sont forcées au pied de biche. Et devant les caméras et les micros, les forces de l'ordre sortent un par un les élus socialistes, dont Paul Quilès et Laurent Fabius. Pas du zèle, monsieur, j'essaye de dénouer une situation. Elle n'est pas agréable pour vous, elle n'est pas pour moi. Vous n'avez qu'une façon de la dénouer, c'est de partir. Les policiers cherchent ensuite l'émetteur et le matériel pirate. Ils ne trouveront rien, pas même la cassette de l'émission, qui en fait était scotchée sous une table. À leur sortie, militants et inconnus scandent des slogans et huent les forces de l'ordre. Du pain béni pour François Mitterrand. De ses appartements rue de Bièvre, il prend acte de la perte de sang-froid du pouvoir qui vient d'entrer de force dans des bâtiments du premier parti d'opposition. Lionel Jospin, numéro 2 du PS, arrivé dans la soirée, s'indigne contre ce dérapage du gouvernement. Dès le lendemain, sur toutes les ondes hertziennes et radiophoniques autorisées, l'affaire de la radio socialiste fait la une. Le Premier ministre Raymond Barre essaie de calmer les esprits à l'Assemblée nationale, mais il annonce l'ouverture d'une procédure judiciaire contre l'initiative illégale des socialistes. Il y a, en ce qui concerne le monopole de la radio et de la télévision, une loi que le Parlement a votée. Faut-il ne pas appliquer les lois ? Et je pose la question de savoir comment on peut se vouloir à la fois parti démocratique et se placer délibérément dans l'illégalité. Délibérément et publiquement, par une sorte de provocation. En troisième lieu, l'opération qui a été conduite hier soir est une opération judiciaire qui a été décidée par le parquet de Paris. Un délit ayant été constaté, une action judiciaire est maintenant engagée et elle suivra son cours. Pendant tout l'été, le Parti Socialiste utilise l'affaire de Radio Riposte pour attaquer le gouvernement. Le 3 juillet, une grande manifestation est organisée devant les grilles du Parti Socialiste. Puis, le 24 août 1979, François Mitterrand est inculpé. Accompagné de ses avocats, dont Roland Dumas et Robert Badinter, le candidat perpétuel du PS en profite pour réaliser un nouveau coup médiatique. Devant les micros, il lance une nouvelle charge contre le président Valéry Giscard d'Estaing. Dans l'histoire de la France, il y a toujours eu des moments où des hommes ont dû prendre des risques pour la liberté. Or, aujourd'hui, il existe un détournement de la loi sur le monopole audiovisuel, une atteinte grave à la liberté de la presse, une fraude permanente sur le service public de la radio-télévision. Eh bien, je le dis avec force, les auteurs de ces manquements sont le président de la République et son gouvernement. C'est pourquoi le Parti Socialiste a décidé de lancer une vaste campagne afin que l'opinion se rende compte à quel point est menacée dans notre pays la liberté d'information. On a voulu un procès politique, on l'aura. Finalement, le procès n'a pas lieu. Le gouvernement lâche du lest et suspend la procédure contre le premier des socialistes. En coulisses, la question du monopole et des médias intègre désormais le dossier des propositions en vue de la présidentielle de 1981. Ce sont Georges Filiou et Georges Décotil qui se chargent de réfléchir à l'évolution du monopole et à l'ouverture des ondes. Pendant ce temps, le gouvernement intensifie sa répression. En 1979, près de 267 plaintes sont déposées par TDF, puis 474 en 1980. En octobre, à 6 mois de la présidentielle, les pouvoirs publics perdent encore leur sang-froid à Obi dans le Nord. Les CRS débarquent pour interrompre une émission au sein d'une radio locale du coin, Radio Quinquin. Les élus et les auditeurs descendent dans la rue puis relancent la radio quelques jours plus tard. Cette année-là, la police interviendra également dans les locaux Radio 93 ou dans ceux de Radio Lille 80 ou encore dans les locaux d'ici et maintenant. Eh bien, non, ceci n'est pas un disque répétitif. C'est une femme policier qui est rentrée dans les locaux de Radio ici et maintenant. Hier matin, il était environ 6 heures, heure légale. Et la police est donc rentrée dans un des studios de Radio ici et maintenant et on saisit tout leur matériel. Radio ici et maintenant, automatique. Vous êtes sur l'antenne pour 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatif. C'est à vous maintenant. Dernier soubresaut d'un monopole qui, de fait, n'existe plus. Mai 1981, 20h, François Mitterrand est élu président de la République. Certains ont le souvenir d'un visage qui se dessine en pixels à la télé. D'autres irréductibles, auditeurs libres des premiers temps, se rappellent avoir écouté les résultats sur des ondes encore interdites. Ces aventuriers pensent alors que le monopole vit ses derniers jours et qu'ils pourront lancer tous, sans crainte, leur radio. Dans les jours qui suivent, le gouvernement est formé. Georges Filiou, député de la Drôme, devient ministre de la Communication. Le 6 août, il déclare, lors d'une conférence de presse... Eh bien, je le dis de la manière la plus claire, la plus nette et s'il le faut la plus solennelle, nous souhaitons que cette forme d'expression trouve droit de cité. Et les dispositions nécessaires seront par moi-même proposées au niveau du gouvernement et du Parlement pour qu'elles trouvent leur existence légalisée. Le 29 juillet 1982, le Parlement vote la loi qui marque la fin du monopole d'État. Les radiolibristes découvrent alors un cadre beaucoup plus contraignant qu'ils ne le pensaient, ou en tout cas l'espéraient. La puissance des émetteurs est limitée, le financement est encadré, la publicité proscrite. Puis s'ouvre une seconde bataille, celle des radios privées, qui montrent très vite à quel point elles ont du mal à être libres, car il leur faut trouver les moyens de leur financement, ainsi que des fréquences. Les pionniers laissent la place aux amateurs, puis aux professionnels des ondes, et ensuite aux grands patrons. Aujourd'hui, le monopole n'est plus, mais que reste-t-il de la philosophie des radios libres de ces années-là? C'est une grande question. Et j'en profite pour rappeler, sans excès de patriotisme d'entreprise, qu'il existe en France une concentration de radios vraiment libres, qui ont à la fois coupé le cordon ombilical avec le pouvoir et qui ne dépendent d'aucune puissance financière et commerciale. Ces ondes libres habitent dans une maison toute ronde. La radio que vous écoutez en fait partie. Sur ces ondes, comme le dit cette profession de foi en forme de slogan, la voix est libre. Et c'est bien pour cette raison que vous tenez et que nous tenons tant à elle. Puisse-t-elle vivre le plus longtemps possible dans l'affirmation de ses valeurs. Devenir un guerrier. Bonjour Christophe Bourseiller. Bonjour Fabrice. Je rappelle que vous êtes acteur, comédien, journaliste, essayiste, écrivain, professeur, vous en faites des choses. Hein. Oui. Vous êtes l'un des auteurs des disques des radios libres de l'histoire sonore de la FM, qui revient d'ailleurs en détail sur l'aventure des radios libres. Et en 81, après l'arrivée de la gauche au pouvoir et de la libéralisation des ondes, vous avez lancé votre radio. Oui. Fréquence art et spectacle. Depuis, vous n'avez jamais vraiment lâché le micro d'ailleurs. Quel souvenir précis ça vous renvoie, tout ça, et vous dans votre aventure aussi? Moi, des souvenirs d'abord d'adolescence, parce que c'était au départ, j'étais un auditeur, et de nombreux documents que vous avez passés le long de votre récit provenaient de mon micro. J'avais une petite mini-cassette que je collais au transistor, vous voyez, au haut-parleur du transistor. Ça a nourri le disque des radios libres et l'histoire sonore de la FM, bien et des disques très lointains qui ne sont jamais sortis en CD que vous avez cité, et vous les avez diffusés en partie. Donc moi, j'écoutais ces radios, j'adorais quand elles étaient interdites, parce que c'était vraiment drôle, d'abord pour les trouver la nuit, c'était uniquement la nuit. Et puis alors, il y avait le truc qui était génial, c'était, d'abord, ils étaient nuls, les gens qui faisaient les radios. Parce que ce que vous n'avez pas, on n'entend pas dans votre documentaire, c'est à quel point c'était, allô, le micro marche là, Fabrice, c'était du bricolage, je peux y aller, ouais. Fabrice. Et c'était quand même ça pendant des heures. Ouais. Et puis alors, et on écoute les Beatles. Ah, ça ne part pas. Ah bon? Bon, bah, attends. Non, finalement, c'est Michel Polnareff, c'est ça? Ok. Voilà, c'était quand même ça pendant des heures, donc c'était formidable. Et il y avait le brouillage. Et alors, le brouillage, c'était un truc absolument étonnant parce que on était comme pendant la guerre. Il y avait des voitures goniaux qui repéraient les émetteurs qui étaient dans des salles de bain, dans des chambres de bonne, pour les brouiller. Mais le brouillage, c'était pas une plainte continue, c'était un bip. Donc, si vous voulez, vous aviez bip, bip, bip. Donc le principe, c'était de parler entre les bips. Donc vous aviez bonjour, bip, Fabrice, bip, eh bien je suis bip, content de vous, bip, retrouver. Et ça durait des heures. Mais c'était ça l'émission, si vous voulez. Donc c'est des souvenirs évidemment merveilleux. Et puis après, 81, et là ça a été l'état de grâce pour nous les radioteurs, on s'appelait comme ça, parce que tout à coup la bande FM qui était vide, comme vous le faisiez remarquer, s'est remplie de fous furieux, parce qu'il y avait des gens très intéressants et très talentueux, mais il y avait des cinglés, hein. Moi je me souviens d'un type un peu bizarre qui a compté de 1 à 5 millions toute la journée. C'est-à-dire que j'avais repéré sa fréquence, il était dans les 102, 103, et donc c'était 102 203, 102 204. Puis alors de temps en temps, il y avait sa petite copine qui prenait le relais, mais elle avait des fous rires, donc c'était 102 205. Et alors il reprenait, lui était très sérieux, il disait bon 102 206. Et ils ont compté comme ça pendant 10 jours quand même. Donc vous voyez, il y avait des trucs comme ça. Il y avait monsieur. Il y avait tout en fait. Bah oui, il y avait un mec que j'aimais beaucoup, c'était Radio Tonnerre. C'était un monsieur tout seul qui vivait à la radio. C'est-à-dire qu'il se réveillait le matin, il disait ah, je vais me faire mon café. Alors on entendait le café. Oui, mais il y a ça aussi à Caen, ça s'appelait Radio Vesuvio. Bah oui. Alors, je pense que ça existe encore, c'est italien hein, de Naples, Radio Vesuvio. Et il nous faisait partager son café. Voilà, Radio Tonnerre faisait ça. Donc toute la journée, puis alors il recevait des amis, ça va Roger, toi? Et alors tu fais quoi en ce moment? Et puis alors des blancs interminables, vous voyez, c'était... Voilà, c'est une culture radiophonique fascinante. Est-ce que, alors avant 81, quand vous étiez dans l'illégalité, il y avait cette espèce de jouissance, de la transgression, Oui. À savoir qu'en plus c'était une transgression relativement facile, parce que si vous étiez chopé par les policiers, c'était pas la torture. Ah non, il se passait rien, simplement, voilà. On ne pouvait pas émettre, que c'est tout, il n'y avait pas... Si, enfin, peut-être que moi, alors, j'avais pas créé ma radio encore, donc il y avait peut-être peut-être quelques petites amendes, mais enfin, c'était quand même relativement bénin. Puis surtout, il n'y avait pas les radios n'avaient pas d'existence légale. Donc, si vous voulez, on n'avait rien, pas de copyright, pas de droit d'auteur, rien. On était des pirates. Toto, c'était la folie, si vous voulez. Et ça a continué après 81, parce que avant que l'État commence à nous donner un cadre, on a émis dans un désordre extraordinaire. Partout, on émettait partout. Moi, je me souviens, la fréquence Arrêt Spectacle... Qui a été créée quand, alors, pour le coup ? Elle a été créée en septembre 81. D'accord. Et donc, la fréquence Arrêt Spectacle, on n'avait pas d'émetteur, on n'avait pas de locaux, on n'avait rien, d'accord ? Mmh. Et donc, on a demandé à Gonzague Saint-Brie, qui, lui, avait sa radio qui s'appelait Mégalo, Radio Mégalo. Et, oui. Et Radio Mégalo émettait, je ne sais pas comment il avait fait, depuis le dernier étage d'un hôtel qui a disparu, qui était la tour Porte-Maillot, qui est l'hôtel Concorde Lafayette. Mais c'était, si vous voulez, on était dans les combles. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de tour moderne. Et nous, on était dans des combles avec des barils d'alcool parce qu'il y avait un restaurant dessous. Et donc, on était dans les combles. Et moi, je faisais la tranche Arrêt Spectacle sur Radio Mégalo. Oui, c'était un bordel, mais passionnant. Passionnant. Alors, passionnant, j'imagine. Il se trouve que la liberté espérée, après 81, est finalement moins importante que prévu. À partir de 83, on est dans la bataille des fréquences. L'État fait le tri. Il autorise un certain nombre de radios. Il en exclut d'autres. Vient le temps des saisies. De la part du gouvernement socialiste. On va écouter ensemble un extrait du journal de France Inter du 29 juillet 1983. C'est le témoignage de l'un des responsables de Radio Libertaire. Hein, vous connaissez, on écoute et on en parle ensemble, Christophe, juste après. Pour Radio Libertaire, il n'est pas question qu'on baisse les bras, nous disons depuis maintenant pratiquement plus de 2 ans. On peut quand même aussi rappeler que Radio Libertaire émet depuis plus de 6 ans, que Radio Libertaire est la seule radio qui a été en prison pour raison de radiolibrisme. Et par conséquent, nous, la radio pirate, on connaît bien. Donc, on va continuer maintenant. Et la position la suivante, c'est que nous en continuons à émettre, je dirais, tout à fait naturellement, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et si jamais, comme disaient nos compagnons, les bûcherons roses viennent à l'assaut du vieux chêne libertaire, ils trouveront devant eux à qui parler. En dehors de cette attitude très intransigeante, bien sûr, nous ne serions pas éventuellement, dans le jour dit, tout à fait opposés à ce que, éventuellement, il s'ouvre des négociations sur un plan d'égalité et dans des conditions honorables et équitables pour nous comme pour d'autres. Ce qui n'a pas été le cas depuis maintenant 22 mois. Des solutions que nous ne pouvions que refuser. Voilà, alors je précise qu'un mois plus tard, le 28 août 83, les CRS débarquent dans les locaux de Radio Libertaire, saisissent le matériel. D'autres radios, elles, seront exclues et saisies. Est-ce que pour vous, à ce moment-là, c'est la déception par rapport au pouvoir socialiste, une sorte de sentiment de trahison? Est-ce que c'est la fin des radios libres? Bah, c'est plus compliqué que ça. Vous savez, l'histoire des radios libres, quelque part, rappellerait un peu l'histoire d'Internet, c'est-à-dire la folie des sites, et puis la tentative désespérée de la part des États de poser un cadre. Et c'est ce qui s'est passé, et quelque part, moi je me souviens très bien qu'en 83, on a appelé cette période, cet été 83, la Saint-Barthélemy des radios libres. Alors, vous voyez, on était un petit peu extrémistes. Mais en même temps, je dois dire que c'est vrai que le problème qu'avait le gouvernement, c'est qu'il s'est retrouvé avec, sur Paris uniquement, et c'était dans toutes les villes de France, c'était pareil, vous aviez 300 radios. Et donc, ils ont essayé de poser un cadre légal et ils l'ont fait de façon totalement surréaliste, en nommant des médiateurs pour marier les radios entre elles. Et tout est là. Le problème venait de là. Et donc, Radio Libertaire, les anarchistes, le drapeau noir, camarades, la révolution est en marche, se sont retrouvés mariés avec la radio d'une pizza qui s'appelait Made in Italy, si je me souviens bien, et avec la voix du cèdre, c'était les Libanais de Paris. Donc, il n'y a pas question de se retrouver avec ces gens-là. Évidemment, personne ne voulait se marier les uns avec les autres, vous comprenez? Parce que c'était en plus des mariages absurdes. Oui, c'est la carpe à le lapin. Là. Mais absurde. Moi, je me souviens, il y avait une très bonne radio, c'était Cité 96, alors il va se retrouver avec les Portugais, alors eux, ils faisaient de la New Wave, donc la New Wave, les Portugais, et puis les Rosicruciens. Enfin, il y avait une espèce, parce qu'il y avait aussi la radio des Rosicruciens. Et donc, tout ça faisait une espèce de mélange absolument démentiel. Et c'est pour ça que ça gueulait. Donc, tout le monde refusait en disant, on se maintiendra. Et alors, le gouvernement a été maladroit à ce moment-là. C'est que, en réalité, il a essayé de force, comme le gouvernement précédent, d'envoyer les CRS. Donc, pour forcer les radios à cesser d'émettre, pour les contraindre à se marier. Finalement, les radios se sont entendues entre elles-mêmes, et puis surtout, ça a été très très rapide. Vous savez, on est en 83, là, la Saint-Barthélemy, et dès 84, on bascule vers les radios commerciales. Alors justement, les radios libres, au sens fort du terme pour nous, la liberté, ça devient des Les radios privées, elles sont privées. C'est parti. Alors, la loi de 82, et un autre point important qui était le débat autour de la publicité. La loi de 82 interdisait la publicité, et puis Puis finalement, en mars 84, François Mitterrand se dit favorable au financement des radios locales privées par la publicité. Fallait-il inclure la publicité ? C'était un gros débat. À l'époque, nous étions pour la publicité parce que on se disait, on était obligé, si on voulait exister en tant que radio, d'être dans un cadre associatif. Alors, on avait tous des associations, loi de 1901. Et on se disait, le problème, c'est que on pourra pas gagner notre vie. C'est-à-dire qu'on était condamné au bénévolat. Or, nous voulions vivre de la radio. Nous voulions que ça existe, que ça ait une existence légale, si vous voulez. Et donc, la publicité, ça nous paraissait le seul moyen de pouvoir vivre de la radio, mais on se rendait pas compte à quel point on allait à ce moment-là basculer dans des et formats, tuer l'esprit, c'est ce qui est arrivé à une vitesse extraordinaire, mais on ne s'en rendait pas compte. Mais en même temps, mettez-vous à notre place. Moi, vous savez ce que j'ai fait à cette époque-là? Je suis allé à Radio France, c'est horrible, j'ai trahi les camarades des radios libres, je suis allé à Radio 7, qui était l'ancêtre du Move de l'époque, oui, là, qui était absolument. Une radio rock and roll, new wave, et donc j'ai été là, voilà, et je me suis mis à faire des émissions à Radio 7. Bah, j'étais ravi parce que je faisais ce que je voulais, je m'amusais énormément, et j'étais payé, vous comprenez. Et puis vous étiez dans un cadre professionnel, c'était fini le bricolage, on était dans le truc pro, quoi. Ça change. La radio, évidemment, mais moi j'aimais bien la radio un peu fofolle. Vous savez, j'avais une spécialité en tant que radioteur libre, c'était le faire parler le document sonore. Donc on était quand même un peu comme, on aimait beaucoup Nova, vous voyez, on était proche de cette idée-là. Et donc ce que je faisais, c'est que j'allais avec un micro, dans des théâtres par exemple, alors je suis allé une fois à la première de Renaud, le chanteur Renaud, et j'ai enregistré uniquement les moments où Renaud ne chantait pas. C'est original. Et donc, parce que Renaud, entre les chansons, parlait des heures, vous comprenez? Oui. Et donc, j'enregistrais des trucs comme ça. Et un de mes plus beaux ratages radiophoniques, parce qu'il faut toujours évoquer ça, vous voyez, Fabrice, c'est le jour où, dans le hall d'un théâtre, je suis tombé sur le ministre de la Santé communiste, Jacques Rally. Jacques Rally. Donc, absolument. Le scoop que je connaissais. Donc, je me jette sur lui, Jacques Rally, bonjour, fréquence à respectacle, racontez-nous, Jacques Rally. Et il me parle des radios, il dit la sympathie pour les radios, que les radios sont porteuses de culture, enfin, vraiment, il dit des choses formidable. À ce moment-là, je suis ravi. À ce moment-là, je m'aperçois que mon micro pendouille anormalement. J'avais oublié de le connecter au magnétophone. Voilà, ce qui est une petite erreur. Ben oui, c'est ça, les radios libres aussi. Hein. C'est douloureux. Ça nous est tous arrivé. Hein. Tout à fait. Bah, moi, je me souviens d'un magnétophone, il n'y a pas de pile. Bon, on est content d'interview après. Ben oui. Décembre 84, la haute autorité de l'audiovisuel présidée par Michel Cotta suspend certaines radios qui ne respectent pas la loi et les conditions de diffusion. Alors, c'est une deuxième étape un peu difficile pour les radios. Et le 8 décembre, ce sont les auditeurs d'Énergie, parce qu'il s'agissait de cette radio, qui viennent au secours de leur radio. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées en début d'après-midi à Paris, place du Châtelet, pour soutenir une radio privée parisienne, Énergie, suspendue pour 30 jours par la Haute Autorité parce qu'elle utilise un émetteur trop puissant qui brouille les programmes de Radio France ainsi que certaines liaisons entre des avions et les aéroports parisiens. Énergie vivra, c'était un des slogans repris par les manifestants, parmi lesquels on reconnaissait Dalida ou Gilbert Montagnier. Leslie Le Tac a interrogé un auditeur de cette radio privée qui manifestait donc aujourd'hui dans les rues de Paris. Tant que nous ne défendrons pas la liberté, autrement dit tant que ce monopole n'aura pas disparu, quelconque ministre d'aujourd'hui, de demain ou d'avant-hier pourra toujours supprimer une fréquence, interdire une émission. Et à quoi sert la liberté de parole s'il n'y a pas de liberté de vous entendre? C'est ça le problème, et c'est pour ça que ça manifeste. Les gens ont soif de liberté. Lorsque le président Reagan, il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, a supprimé le monopole sur les satellites de télévision, autrement dit, il y aura des milliers de chaînes bientôt. Il n'y a que la France qui est un pays en retard dans la tête, en retard dans l'économie. C'est ça qui est grave. C'est pour ça qu'il ne faut plus de monopole dans ce pays. Alors, ce qui a peut-être échappé à ce monsieur qui veut défendre la liberté de parole, sincèrement d'ailleurs, c'est qu'à ce moment-là, on est moins dans la recherche de la liberté de parole que dans la recherche d'une place sur la FM pour une activité qui peut aussi être commerciale. Ah bah c'est totalement ça, mais ce que la force d'Énergie en 1984, ils ont été très très brillants. Jean-Paul Broucrou, je me souviens, a été extrêmement brillant parce que d'un côté, ils faisaient descendre dans la rue des milliers de gens et là, tout à coup, vous savez, il y avait déjà eu d'autres manifs. On avait tous fait des manifs, mais quand on faisait une manif, moi je me souviens d'une manif où il y avait Boulevard du Rock, quelques autres qui voulaient pas être mariés, mais on était 50 au rond-point des Champs-Élysées. Vous voyez ce que je veux dire? 50. Tandis que, évidemment, Énergie, ils étaient des dizaines de milliers. Il y avait une vraie influence. Et puis en plus, il y a eu quelque chose de très important, ça a été du lobbying auprès de Mitterrand, et notamment Séguéla. Séguéla a joué un rôle très important parce que Séguéla a vraiment convaincu Mitterrand d'autoriser les radios privées, d'autoriser la pub. Et là, ça a été vraiment un virage radical. Mais en même temps, des gens comme Baudecroux, les gens Patrick Meyer qui dirigeait RFM, c'était des gens très sincères aussi. Ils aimaient la radio. Ils étaient vraiment dans, ils voulaient moderniser la France. Vous voyez, il y avait déjà ce rêve de dire ce pays archaïque, il faut le moderniser. C'est, on entend le même discours en 2015. Et c'était cette idée-là. Et quelque part, je les comprends, mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu un moment vraiment glauque. Pour moi, c'est que les radios libres, c'était la liberté de parole. Mmh. Et à partir de 1984 et pendant 10 ans, ça a été des radios qui ne passaient plus que du robinet à musique. C'est-à-dire, il y avait plus de parole. Et on a vu réapparaître la parole dans les radios assez récemment, avec des radios talk, comme on dit, ou des radios news. Mais c'est relativement récent, si vous voulez. Il y a eu 10 ans de robinet à musique, et ça a tué effectivement cette spontanéité, ce qu'on aimait, c'est sûr. Christophe, la nature a horreur du vide, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qui est venu combler l'espace laissé plus ou moins vacant par les radios libres ? Internet. Pour moi, c'est la suite, c'est sur Internet, c'est les hackers, c'est Wikileaks, ouais. C'est la suite, c'est ça. C'était la même chose. C'est l'envie de prendre la parole dans les marges de la société, de s'emparer d'une contre-culture. C'est le même phénomène. Il y avait les fanzines, les petits journaux, il y a eu les radios libres, il y a eu, voilà, et puis et ça maintenant. Vous savez, il y avait une radio qui était géniale quand même, c'était Radio Ici et Maintenant, parce que vous l'avez passé oui, à un moment donné. Oui, on l'a évoqué. Alors, ils émettent toujours quelque part, je ne sais pas où, mais ils avaient une idée qui était très très drôle, c'est que eux, ils avaient juste un répondeur téléphonique. Donc, vous appeliez le répondre le téléphone et vous pouviez parler des heures à l'antenne. C'est à éviter d'avoir des animateurs. Et donc, si vous c'est l'ancêtre des réseaux sociaux, finalement, parce que vous disiez personnellement, vous pouviez le partager sur l'espace public. Ah ben complètement, c'était ça. Oui, oui. Donc, vous avez raison, effectivement, c'est Internet et notamment les réseaux sociaux. Ah, totalement, hein, totalement. Bien, j'ai dans... Merci Christophe Bourseiller. Il nous reste presque 2 minutes. J'ai dans les mains un livre paru chez la librairie Vuibert et dont titre est « Et si c'était la vérité ?» Alors, il y a le sous-titre. Moi, j'aime beaucoup les sous-titres parce qu'ils sont souvent très évocateurs. « Enquête sur les délires de l'histoire ». C'est écrit par un certain Christophe Bourseiller, vous le connaissez, non ? Oui, bah je le connais bien, oui, bien sûr, il est un peu graphomane. Et qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, Christophe Bourseiller ? En fait, c'est une anthologie des historiens fous. Enfin, fous, entre guillemets. Fous ou supposés-tels. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait, que je rêvais de faire, c'était établir la liste de toutes ces thèses historiques qui paraissent complètement insensées, du genre Jésus-Christ était gaulois, du genre Napoléon était breton. Le pape était une femme. Le pape était une femme, Hitler était juif, des choses inouïes. Enfin, Jeanne d'Arc était une princesse royale, Marco Polo n'a jamais voyagé que dans sa chambre, enfin, le Titanic n'a pas coulé. Enfin, toutes ces thèses historiques... Et Paul McCartney était mort quand il était vivant. Et Paul McCartney était mort, et mort en 66. Donc voilà, toutes ces thèses historiques pour les soupeser, pour donner la parole, d'une certaine façon, aux gens qui en parlent, et puis en faire la critique historique, bien évidemment. Mais je trouvais ça fascinant, parce que j'ai l'impression que de l'erreur jaillit parfois un peu de vérité. Et vous n'avez pas, pardon, il reste 15 secondes, je vous coupe, là, vous ne craignez pas qu'on vous accuse d'apporter de l'eau au moulin de la thèse du complot, de la théorie du complot ? Ah bah non, pas du tout, parce que moi, d'abord, c'est pas un livre sur les complots, c'est vraiment un livre sur ce qu'on appelle la pseudo-histoire, et puis, pour chaque thèse, j'en apporte la critique historique. Stop, merci. Je me permets de faire ça avec vous, Christophe Bourseiller, parce que vous êtes un homme de radio. Ah oui. Vous savez qu'à un moment, ça s'arrête, là, c'est le coup près. Merci en tout cas. Merci à vous. Pour vos souvenirs et vos éclairages. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'aventure des radios libres, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, dans le cadre d'une journée spéciale sur France Inter, nous évoquerons les attentats des 7, 8 et 9 janvier à Paris contre Charlie Hebdo et l'hypermarché Cachère de la Porte de Vincennes.